dasi o deti pangi meso langenge peso la yangi la mulu sola pili. c'est la musique de l'orchestre, les officiers.